Parlons-en avec Orange. Mbote bande kobalandi ya Top Congo FM boye malamu na manaka parlons-en ya mokolo ya lelo tozali lisusu mardi lelo mardi histoire mokolo yo elongo na invité na biso tofungolaka page moko ya histoire ya mboka na biso soit ba événement minene soit ba personnalité ou ba marka histoire ya mboka na biso Uto ba poso mi balé tozali kolobela justement l'une de ses personnalités kombo na ye Étienne Tshisekedi wa Mulumba na chapitre ya mbo to ekolaki ndenge ya botama ndenge a évolué a koti kela si ndenge nini pe a eko kota na vie politique active ndenge nini na Étienne ya mi balé na poso le eleki to yaki koloba Ndenge nini penza a koti na vie politique Toloba Étienne Tshisekedi le mot boutiste Ndenge a koti na vie politique Ndenge a komi ko sala na président Mobutu Et leloyo na chapitre misato To bengi yango Étienne Tshisekedi l'opposant To koyeba ndenge nini a kabwani na Mobutu Pe a komi penza na opposition active Pona kosola yango nazali ngai moko te awa na studio docteur Lusakwe nazali bomo meseno na Marcel Kitambala mbote na yo mbote mwana mboka Thierry Kambundi mbote pe na balandi ya parlons-en tozali surtout na invité na biso chercheur et passionné d'histoire ndeko Thomas Luaka Losenjola mbote na yo mbote bingi ndeko Thierry alors bingi ndeko Roger ndeko Thomas ndeko Marcel ndeko Marcel j'espère que na Nalobi malamu pour résumer en des termes simples. Exactement. De la naissance à son entrée en vie politique, Totalement. Chapitre Liboso. Oui. Vous allez d'ailleurs et belé à Rolanda Peko partager à mon réseaux sociaux. Vous êtes très très nombreux, nous vous disons merci. Étienne Tshisekedi, le mot boutiste. Tout à fait. Deuxième chapitre, Zaki n'a pas su l'équi. L'éloyo, beaucoup t'inaïen en opposition. Exactement. Voilà. Maloba Mbokayo. Merci Mingi ndeko na ndengo résumé pour na gagner ngonga to ken to bandaka ka les émissions les lo peut-être to rozong la place to suka ki na poste Ah OK. To lobi Étienne Tshisekedi a comme ministre to mona ki ango ndenge ni na comme ministre na 1965 ministre intérieur a bandi ko travailler na président Mobutu o auti ko zwa pouvoir il y a quelques jours ba ko sympathiser ba ko comme très proche to mona ki ndenge ni Étienne Tshisekedi a occupé ba poste ministériel mingi ti na 1969 Mobutu a décidé à éloigner ba proche na ye to mona ki ango bomboko azali batindi ambassadeur na États-Unis na Washington nendaka atinda bi na Allemagne Étienne Tshisekedi ye akei na Maroc et puis to mona ki ndenge ni na 1971 Étienne Tshisekedi Zongi à côté na parlement et puis na parlement wana dans la première législature et deuxième république et c'est là qui de 1970 à 75 Étienne Tshisekedi azali membre ya bureau ya assemblée nationale na poste ya deuxième vice-président donc abandi ministre ya Mobutu ti na stratégie ya Mobutu ya ko éloigner ce bamasta na ye exactement pour asseoir pouvoir na ye davantage atindi ambassadeur na Maroc, Et dans la deux ans, oui, à Zongi Sikawa. Wana Mobutu a gagné l'élection en 1970. Donc, à Zongi Sikoyo. Comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Tina 1975. Voilà. Mandat est sili, baké na ba élection pour la deuxième législature. Tshisekedi a ké na Kasai, azali élu député na circonscription ya Kabinda. Mbujima eza na kati ya circonscription ya Kabinda à l'époque. Donc, à Zongi. Nakati Assemblée nationale a commis premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mandat wana deuxième législature, normalement, il fallait ça là de 1975 tina 1980. Malheureusement, tout le monde a qui yango, mandat wana ekoya ko katana na 1977 pour nanini, pour na bitumba ya Shaba. 1500 gendarmes katangé ba wuti Angola ba attaqué Zaïre ba Zubambo Kamuchacha Dilolo tout monde qui yango et puis Mobutu asengi secours na ba aliens, ba américains ba kotinda logistique, ba français ba kotinda ba avion pour na ko transporter ba soldats marocains, 1500 marocains ba ye awa ba beti ba rebelle ba kimi ba zongi na Angola. Donc Mobutu ba conseiller ye a alléger système naé, donc régime naé, yango wana to mona lelo to bandi émission lelo na quatre conséquences ya guerre ya Chaba. Première conséquence ya Bitumba Chaba ezali que le 13 août 1977 Mobutu akangisi ministre naé affaires étrangères kombo naé Ngunza Karlibond. Akangisi pona ni akangisi parce que azali ko soupçonner Ngunza Karlibond azala ki de connivence na ba gendarme katangé o ba otiko bimisa Bitumba batu ya FLNC Front de Libération Nationale du Congo ya Nathanael Mbumba balobi yo comme oza katangé ministre affaires étrangères na ebite soki Mobutu azaki na ba preuve ou pas mais ba soupçonner azali accusé Ngunza azali accusé de haute trahison. Et puis voilà, à cause de la jugé et condamné, Ngunza Azali condamné à mort en 1977. Alors Kazala qui est ministre affaires ministre affaires étrangères. Bakangé basamise Ngunza condamné à mort. Et puis Mobutu akoya ko commué ko bongola condamnation à mort na prison à vie. Le 10 juillet 1978, Ngunza Azali amnistié. Na président Mobutu, le 6 mars 1979, Ngunza Azali nommé de nouveau ministre des Affaires étrangères. Donc, wana conséquence à l'Ibosso Italie, situation à Ngunza. Conséquence à Bitumba ya Chaba, ya Mibale, Ezali restauration ya poste ya premier ministre. Tomona Kiango, Mobutu, tango Azali coup d'État na 1960. Azalaki président de la République, Azalaki na premier ministre babingi colonel Mulamba. Mais na 1966, donc poste on est au Meleka nalbaka une année de 65 à 66, Mobutu akoya ko supprimer poste ya premier ministre na mboka na biso. Donc to basculer pour na ba juriste to bazako la na biso, to koti na régime présidentiel ou au président zako konza directement exécutif. Yango wana après Bitumba ya Chaba, Mobutu ako décidé azongi sa poste ya premier ministre na époque wana bako benga yango premier commissaire d'État. Po ba ministre bazalaki ba commissaire d'État. Yango wana, le 8 juillet 1977, Pinga Kassenda, yenani azalaki directeur, ancien directeur ya école du parti. Imperizaka na école nango babaneko bengango institut Makanda Kabobi azalaki directeur et institut wana pe professeur kuna donc yende ayeko koma premier ministre donc Pinga Kassenda azali premier ministre, civil exactement ya exactement ya Mobutu exactement donc troisième conséquence ya Bitumba ya Chaba c'est élection au suffrage universel direct au bulletin secret. Et la question est, pour te comprendre, Nango Malamu et Tozonga n'avaient élection en 1970, en 1975. Au moment de Koyoka, papa n'a pas été député en 1970. Et bien, il y a un père, il y a un père, il y a une réunion, il a dressé une liste et il y a un député. En 1975, il y a un changement. Un père kaka mutu ezali ko désigner ba député ba sali liste et puis sikoyo ba kei na mutu ango neti na stade moko ba présenter ye population beti maboko akomi député ce qui explique que par exemple tolobaki angote Kengo Adondo azalaka élu député na Kalemi je crois si je ne m'abuse donc azaki député élu na Kalemi na système wana ya baza ko désigner batu et bongo population betima Thomas Luaka député élu na Kinshasa exactement Thierry Kambundi député élu na Place Boye voilà exactement sans élection sans élection siko na 1977 ba eko ko tsa siko ba non siko quand même hein, il faut population za la peine à choix un père ezali toujours ko désigner ba candidat mais siko un père a comme ko décider ko désigner ba candidat mingi ba pesi siko na population choix na liste ya ba candidat MP population ba nakopona et puis na bulletin secret hein OK obombani oponi mutu na yotie to mona ki yango donc troisième conséquence suffrage universel et zongi na bulletin secret quatrième conséquence ya bitumba ya shaba sur le plan politique parlement en 1977 ba ekozwa pouvoir Toloba, s'il vous plaît. Toloba, des embryons, il y a une vraie élection, mais Bitumba entre, Batouka a cadre parti, impair. Il y a un père. Exactement. Et Zatekenet, il est là, il est parti, il est belé. Exactement. Il cadre, il y a un père, mais Bazo Ndongwana Pena, na cadre de l'élection à Solo. Exactement. Il y a Bendani, na Pembeni, a Ponipe, na Isoloa. Bon, on a un peu exemple concret. Le autre exemple, UDPS a décidé, na Lukunga, il y a 14 sièges, UDPS a aligné, na Koloba, 50 candidats. Mais ba candidat nyon so basaka ka ya parti moko population ki ndeko pona na kati il dépense ou peut perdre ou parti moso so na peska exemple donc voilà ce qui s'est passé à l'époque vous avez tout à fait na raison quatrième conséquence parlement sikoyo et kozwa pouvoir ya contrôle parlement en 1970 parlement en 1975 ils allaient na pouvoir au contrôler té et ko contrôler gouvernement donc parlement en 1977 bas du pouvoir wan. Élection est allée organiser en octobre 1977. Ba député Asika Bazali élu. Ba yenenge to mona kiango la fois dernière. Ba yena moto ana légitimité Asika alobi non population moto pona kingai donc Nazali na mandat ya population. Yango wana na octobre 1977 Étienne Tshisekedi bon à l'époque Tshisekedi wa Mulumba Azali élu. Na circonscription ya Kabinda donc, une nouvelle fois donc une nouvelle réélu. Fois réélu en 1977 bon na élection na 1977 il y a quelqu'un d'autre qui est élu au moins ndenge na ba ki impéresa ko sala ba liste hein quelqu'un d'autre est élu à Lubumbashi kombo na ye Mwando Simba Mwando Simba zali élu député na Lubumbashi mais si koyo ba député o ba échoué o ba zaki na liste mais o ba l'équité automatiquement beaucoup mi ba suppléant Yango wana député moko a échoué ki ba élection ya 1977 akoya kokoma suppléant ya Mwando Simba député wana kombo na ye Kyungu wa Kumwanza. Toko tanga ba prenoté pour toza en plein za réalisation. Exactement. Parce que Mwando Simba kombo na ezala ki Charles. Charles Mwando Simba. Ouais. Voilà. Kyungu Gabriel Kyungu. Voilà. Je rappelle la bande de Kobalandi que Lelo est la troisième partie. Il y a Bob Moï, il y a Étienne Tshisekedi, il y a Mulumba. Tu peux si combo na yango, il y a chapitre Étienne Tshisekedi, enfin Tshisekedi l'opposant. Hein? Tshisekedi l'opposant. Thomas Louaka. Yango na siko tango ba élection ici, il faut qu'on tienne en place bureau Assemblée nationale, bureau Etiami, le président Oyazala Kaka président depuis 1970. Yende alekili susu. Combo na ye Boboli Kolokonga. Président de l'Assemblée nationale, vice-président naïe, babengi na premier vice-président, kombo naïe, honorable Nzondomio. Après Nzondomio, il y a comme président, tango, Boboliko, il y a comme premier ministre. Et Etienne Tshisekedi, na législature ne bandisika, Etienne Tshisekedi, azali susu, na bureauté, a commis député Yamulongo. Mais apparemment, na moment wana, ba rapport ezaka ka mwa malamu, na président Mobutu. Po nanini, parce que na 1977 wana Tshisekedi azali député Mobutu a nommé président du conseil d'administration ya RZAIR PCA ya RZAIR na 1977 donc député et PCA et puis to continuer ba député sikoyo ba ekoyoka ba information so comme la banque que désordre moko za koleka na banque centrale banque du Zaïre à l'époque en ce qui concerne gestion ya ba devises étrangères ba désordre ça ma cache kuna ba député balobi non on ne peut pas côté la kakaboye tout ça la commission d'enquête parlementaire. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange numéro 1 en couverture et qualité réseau. Désordre nous agiani gestion ba devise donc ba c'est que la gestion n'est pas orthodoxe na banque centrale donc bâtier commission d'enquête parlementaire, un député par province, à l'époque, on a rappelé Nambana Nabiso, en 1978-79, Tozali na 8 provinces. Kinshasa, Bandundu, Équateur, province orientale, Kivu, Katanga, les deux Kasaï, Naba Congo. Donc, huit provinces. Katanga, Nobenga Shaba. Shaba, hein, Shaba, il a qui c'est cuivre na Swahili. Donc, Sukoyo, un député par province. Basali, commission ana, na retena ki quelques kombo ya bato basali na kati ya commission. Honorable Kiembwe Walumana, honorable Kalume Mwana Kahambwa, honorable Kongo Mwanda, et puis honorable Kapita Shabangi. Bakei na parlé la na banque centrale. Tant bakomi kuna, ils sont scandalisés. Mission parlementaire. Mission parlementaire. Bazali scandalisé, bake ko découvrir nengenini mbongo l'État. Bako gérer yango avec beaucoup de légèreté. Mbongo souvent ebimaka na ba appel ya conseil, ba conseiller à président de la République. Na téléphone. Moutoko benga boalubi, président fondateur azana besoin $50,000. Président fondateur azana besoin $100,000. Président fondateur azana besoin $500,000. Mbongo wana peza kobima ata pa document écrit moko ezate. Aucune administration. Donc bazui ba rapport wana ba eko zonga na wana parlement. Batangi rapport na bango na plénière, les députés sont scandalisés. Ah puis non, ce n'est pas possible. Il y a quand même mbongo ya l'État. Et Zambongo et Moutou, t'es beaucoup gérant, on est moi, Ligablo, Nabino Boye, et scandalisé. Bah, député, bah, Banisco, débat, il faut qu'on convoque gouverneur et la Banque Centrale. Toi, interpellé, a quoi expliquer, biso. Débé, comme y'en a, bah, ou t'obéngisai, sur l'opportunité, ou bengisai. Président, il y a Assemblée nationale, ou a remplacé, Bobolico. Tosaïna, papa Iléo. Iléo, à lobby, non. Toko bengi sa, quelle est la finalité à ko bengi sa ye? Puisque tozali na pouvoir ya ko sanctionner ete. Donc toko bengi sa ye ka pona plaisir ya ko yoka ye, on a pas, tozali ta na pouvoir ya ko sanctionner gouvernement. Tozali na pouvoir ya ko contrôler, mais pas ya ko sanctionner. Debe se pose wana to benga. Oh. Depute moko boye, a sengi parole amati. Bon, depuis mandango e banda, alubakate afana kana kwa na ye, omoni ba depute ya, ako ta neka makambulo kwa la spectateur. Jour wana sengi parole amati. Alors oui, monsieur le président, na sako yoka yoza ko loba ke toana pouvoir ya ko sanctionnerte sur le plan juridique, peut-être vous en avez raison, mais sur le plan politique, nous avons tozana ba moyen ya ko sanctionner. Voici eloko nga na proposer. Soki to bengi si gouverneur wana aye awate biso ba député to ko décider pe en mesure ya sanction politique to ko voter budget ya gouvernement et ça les beti maboko bato ba telemi balobi non idée à malamu ba osiko ba député sikawa ba yebaka bato te batuni quand même hein tipo nanani babi comme on a Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi wa Mulumba asala ka ministre kala Mobutu ambassadeur na Maroc. Donc na ko le ba premier sortie officielle na parlement ya Etienne Tshisekedi. Oui, après donc wana tanga komi député simple. C'est un député simple. Député simple. Même quand il était au bureau, il n'intervenait pas. Pas membre Bilo à Balobakate. C'est ça, donc voilà. Donc, sortie, grande sortie, Naïnde Mokoloana, à propos de Yelokoana. À l'obi, donc voilà, et Tie Makelele Nakatia Sal, Balobi Tato Asana Baïdé Amalam. Mais Mobutu va réagir. Mobutu va réagir, Nandene Nini, à l'obi que désormais, interpellation, initiative, il y a interpellation, il y a contrôle, il y a gouvernement, tout mandataire public. Initiative, il faut soit au préalable autorisation à président de la République. Donc, aux annonces, on a eu commis. Et qu'il y a la présidence. Président validé après aller. Voilà. Bah, il faut comprendre que non, l'ego a neutralisé. Donc, parlement, ils allaient neutraliser l'initiative, on a eu que nous avons Wana, première étape. Deuxième étape, et là, comme je suis le cas, le 19 juillet, bon, naloba, le 4 juillet 1979, ba soda ya Mobutu, ba phase, hein, ba nako benga ba soda Mobutu, ba soda Mobutu na Kasai, ba ke kolanda ba creuseur clandestin, ba toba luka ba diamant 1. Na mayuya. Na mayuya wana. Ba ke kuna na mboka moko ba bengi, lwa mwela za pembeni ya Mbushimai, ba soda ba bomi ba creuseur ba beti massage ba creuseur ba kufi le 19 juillet même opération eko sala masiko na mboka moko ba bengi katekelai eza 20 km de Mbujimayi wana ba soda ba bomi à peu près 200 creuseurs ba beti bango massage oh et scandalisé ba tout ba media komi koloba et les groupes parlementaires ya député Kokis aba député Kasai ya Kasai voilà Kokis aba député Kasai balobi non biso tokoki kolekisa eloko yo boite il faut faire quelque chose tokoki ko se comporter loko la ba député abandonduté ba député abandonduté oyo bakangaki misu na ba massacre elekaki epa na bango pourquoi ba lobby ndengwana voici ce qui s'est passé na 1978 na bandundu na bandundu député papa moko boye kombo na ye Martin Kasongo Martin Kasongo aza mutetela mais mutetela oyo azali installé na Idiofa papa wana nengeka makamu ngizana na Congo azui vision a komi prophète asa l'église na ye nzamba mpungu yomoko ibika kaba kongole eloko asika bato ba adere pa ya balandi prophète Martin Kasongo petit à petit le mouvement religieux et kozwa tournure politique message à Martin Kasongo komi nina bino ndenge bino bofandiawa boza la calme et révolution ya Pierre Mulele et sila kité Pierre Mulele azozonga kala mingi te donc akoya tokende ko bengana ba miyibi na ba incompétent nyonso baza ko konza biso na Kinshasa donc population abandonde ebeteli Martin Kasongo maboko azui batwe belé Mobutu considère maintenant que l'ampleur ya mouvement ya prophète Martin Kasongo et komi kozwa ça devient une menace politique yango wana bakoya kutinda armée batindi armée pour la répression yomoko ebikaka armée na biso souvent ils sont dans les excès bakokende kuna bako massacrer population on estime à peu près à 500 morts les adeptes de Martin Kasongo au bazale qui massacrer na bandundu le 25 janvier 1978 Martin Kasongo na 13 disciples na ye na baba apôtre na ye ba mekangi bango ba ke na bango na stade ya Mayungu na Idiofa ba bomi bango par pendaison donc ils sont pendus na stade et suki wanate ba soda ba ke kozwa la pauvre maman ya Pierre Mulele qui était encore en vie ba ke kozwa maman wana ba ke ne na zamba ba bomi maman wana ba sauvagement bakatie na machette donc voilà l'affaire du prophète Martin Kasongo et l'équipe na 1978 aucun député ya bandundu akosola kata kokosola donc si ko tango na 79 et massacre ya katekela yeye kokus ya ba député ya Kasai balobi non nous on ne peut pas se taire il faut to senga commission d'enquête ba signé requête batindeli président Joseph Iléo batindeli requête pour na kosenga instauration ou constitution ya commission d'enquête parlementaire banani ba signé lettre wana ya requête tozali na honorable Chibui honorable Milambo Katambwe honorable Joseph Ngalula Pandangila azala ki élu na 1977 na Kabinda mais il était tête de liste na 1977 Ngalula a plus de succès na Kasai que Tshisekedi Tshisekedi azala ki élu mais Tshisekedi sima ya Ngalula donc Ngalula azala ki élu yepe a signé mutu ya mine o a signé ezali honorable Matanda et mutu ya mitano a signé requête wana kombo na ye Tshisekedi wa Mulumba 5 wana bazui bakoti requête bavanda bakoze la réaction à président il lui a vendé le dossier à commission d'enquête à sa ko réagir té akosa la semblant neti document comme la qui était yango wana ba député bakoya ko décider ba signataire wana ba saisir communauté internationale bakoya ko zwa copie ya requête na bango wana batindeli yango Amnesty International na Fédération Internationale des Droits de l'Homme babengi yango FIDH presse internationale ko yakozwa requête na ba massacre ya Katekelai ba korele yango yomoko ebi ndenge le kaka na ba presse internationale Mobutu a considéré que c'est de la trahison. Ba député oyo ba sali lokwana ba trahir ngai, donc il faut na réagir. Ba député collabo, hein, au moins dans chaque parlement, hein, moi groupe ka ba député mon bazalaka, c'est ma pouvoir quoi. Ba député na ba komi kotambusa message boko na Assemblée nationale. Ke omoni ba collègue na biso quand même ezali masolo ya kati komeke kome pa mindele, ce n'est pas normal, il faut to invalider bango. Oh, ba bruit ba ndeko tambola et kombo ya batu nini oyo il faut ko invalider. Bizarrement sur les 5 kombo misatu mutu ezali retenu pour na invalidation. Ezali kombo ya Ngalula Pandangila, Matanda na Tshisekedi wa Mulumba. Balobi, il faut tout invalider bango. Mais pourquoi, quel est le point commun entre ba député misato na tangi? Pona nini ba retenir bango misato kaka sur les 5? Ba retenir bango parce que le point commun na bango ezali ki bango nyonso misato baza baluba. On comprend la stratégie ya Mobutu alinga diviser groupe entre les baluba et les autres. Donc il faut ba sanctionner baluba. Omi balewana Oba signaki kombo eko sabisote honorable Chibui, hein, natanga gazai pe signataire kombo wana eko sabisote Chibui azalaka mtetela et puis honorable Milambu Katambwe azalaki musongi. Donc mtetela na musongi batie bango pembeni, batie en avant, il faut qu'on valide ba trois luba député luba yango wana. Voilà, Torozongela. Suite tout à l'heure après Basango na lokota lingala na rappeler na bande ko balandike lelo eteni ya misato ya Bomoi ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba na parlons histoire à na Top Congo et longo na Thomas Luaka Losenjola invité na biso. Tout à l'heure Torozongela suite ya lisolo oyo to consacré to bengi chapitre ya lelo Tshisekedi l'opposant. Tozomona esika nini a bandi combat na ya opposition to a bandi ko kabwana penza na président Mobutu. A tout de suite. Hello ezali consacré na histoire ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Troisième partie oto bengi Tshisekedi l'opposant. Voilà, tozolo bela yango ndeko Thomas Luaka Losenjo la invité na biso azayi na biso ndeko Thomas Luaka to suka ki esika ya lisolo ya commission parlementaire pour na ko enquêter sur massacre ya ba créseurs artisanaux na Kasai Oriental. 5 députés ya Kasai Oriental, notamment Étienne Tshisekedi wa Mulumba, ba signaki mokanda pour être basé en enquête parlementaire. Président de l'Assemblée nationale à l'époque, Papa Ileo, avant de l'initiative, wana, ba décidé finalement, ba tinda document wana, dénonciation wana, na ba ONG internationale, notamment Human Rights Watch, et Mobutu a siliki. Yango wana, décision ezwami, que ba exclure, ba député wana, mais curieusement, ba exclure Kaka Misato. Sur 5. Hein. Sur 5. Parce que deux d'entre eux, Bazagi, t'étais là. Chibouya Zagi, mon t'étais là. Katam Bazagi Songé, mais Baluba Kakande, exclure Bango, notamment Étienne Tshisekedi Mulumba. Donc voilà, projet à invalider Bango Zako Tambola. Yangoana Mobutu a décidé Yemoko Aya na Parlement. À l'époque, Parlement Ezali na Palais de la Nation. Et c'est qu'à présidence Ezali Lelo, Parlement Ezala Kandekuna. Donc, ba député pe ba bandi ko se sensibiliser entre bango, mais parlement est allé diviser grande majorité ba député bazan na sympathie pour na cause ba collègue na bango parce que lobby ba moni mabe ba salité quoi. Et tozali wana pour na ko représenter ba intérêt population zali ki massacré, c'est tout à fait normal que ba élu ba dénoncer ango. Donc Mobutu a décidé aya na parlement. Et avant comme on a quitté le parlement, bah député Baniko s'est sensibilisé entre autres Paul Kapita Shabangi ou Salisa Kingai pour na cause ba les mam mingi ya période yo na remercier pe na pese mbote papa soko za kolanda biso. Donc l'état d'esprit a évolué, ba député a évolué ndegini entre autres Kapita Shabangi akoyebisa ngalo laboy na mama solo api me vie yo betela biso lu solo tambo ande ko sala politique na ba Lumumba. To se rappelé awana emiso to ute ko sala Lumumba akumaki président MNC parce que zalaki camarade ya Ngalula. Ngalula mutayaka na ye, hein, à se battre pour Lumumba comme président. Ah mais tant que vous la politique dans Lumumba, au bout d'un moment, vous que petit à Lumumba a confiance au Mobutu. Donc voilà un peu l'état d'esprit et ben nous côté pas député il y a 1977. Si quoi mon député va comme parlement va kuta militaire va encercler palais de la nation donc parlement na ba char de combat bimi. Va comprendre que manœuvre intimidation il y a Mobutu bandi. Ba koti et puis moi d'ordre de tamboli na c'est que tout royo makambuso ki Mobutu aye ya jalelo ezale sous soutien parce que ezala ka question qui président koti bana génération na biso baye biango ezala ki Mobutu miso ga Mobutu moka ko soa ba kriwana même si koti mangwe continue hein, juste une parenthèse na tango ya président Kabila c'était le raïs sur la côte na kati ya salle le loko ma fachi beton wana pe e bosimbi simon na mboka toma loka wana na ngonga wana d'après l'histoire invité ba lobaka que pouvoir ya Mobutu comment qui fragilisé surtout tant abima qui na guerre ya chaba autour du koyoka pouvoir ne comment qui fragilisé pe les sous état de santé na comment qui ko s'empirer. Non, en 1977, Mobutu est en forme. Mobutu est en forme. Pouvoir naïe, ils allaient pendant fragiliser. T'es à ça, ma casse, mais, contestation interne, Ebandi. Ebandi, c'est quoi? Mais ça, vraiment, Ebandi. Ebandi. Il est encore très puissant. Donc, Mobutu, à côté, n'a qu'à ta salle, député, Télémi, hein, le président de la République, bien sûr, Télémi, mais, ma cambo, va dialer le Sili. Mobutu, à comprendre que ça, les Akimia, à mon que climat, ils a bien été. Mobutu, à ce, Afandi, Papa Iléo a eu parole à introduire. Le président Mobutu a telemi a zara kina discours na ye dossier na ye na maboko. Oya ya kina ngopo atanga, a komika na pupitre wana, Mobutu a eu, président Mobutu a eu discours ango a te pembeni, a bandi improvisation. Na improvisation a koloba makamu mibale. Yali boso a lobi, il y a 15 ans, makamboza ko leka lelo yo, eko eko salamate. Bon, les gens n'ont pas tout à fait bien compris. Est-ce que Ngaï Mobutu n'a changé, hein? Donc, message à lancer, les bosses, voilà. Message à Mibale, à lobby, pour Ngaï, Conseil législatif, donc Assemblée nationale, Bozali Lissoussou 272T. À l'époque, Assemblée nationale, Azan a 272 députés. Les lots commencent 500. À lobby, Bozali Lissoussou 272T. Pour Ngaï, Bozali 269. Parce que, na kati ya parlement oyo, toza na nyoka misato. Na lobi te nyoka, il parle en français, je ne parle, mais nyoka zolo bango na lingala. Je ne parle pas de nyoka au sens de serpent. Je parle de nyoka au sens de ndoki. Donc, bandoki on a banani, donc galula, Tshisekedi, na matanda. A lobi ponangai, donc, a considéré bango soute comme un député. Quelques groupes à députés sympathisants. Il y a un signataire, c'est qui n'est hier, Nakata Salboy, énervé Maréchal. Maréchal a récupéré le dossier comme si il y avait un Kanda. Papa, il est allé, non, mon condi, vraiment, Limbisa, a fait les gestes de Maboko, il y a un Limbisi, Maréchal a vendu. Mobutu a vendu. Mobutu a vendu, papa, il est allé, a eu parole. Papa, il est allé, a eu papa, il est allé, citoyen président fondateur, comme chef est parti, il y a Tata Nabiso. Et comme Tata Nabiso, Ozali na famille une famille nombreuse na kati ya famille monene bana ya ya botosi bazalaka na bana matoi mangongi pe bazalaka na kosenga na yo comme tata na biso limbisa bana wana ya matoi mangongi et je lève la séance mbala moko il a levé séance azu a telemi a accompagné président Mobutu ce côté président Mobutu abimi Tshiseke di ngalula na matanda babimi ne tiba uto gagné bitumba hein Mobutu aki pona ko invalidé bango invalidé bango te. Donc les collègues ba komiko yako congratuler bango ba opesa bango ba félicitations wana yango wana le 18 juillet le 18 janvier 1980 Etienne Tshiseke di ba longolier na ba fonctionnaire ya président du conseil d'administration ya Air Zaïre. Peut-être moi, parenthèse, mon mouké, vidéo mouké tamboulaka, où on voit le président Mobutu dire ceci, que Tshisekedi a comme Azali opposante, c'était négri. Hein? tant qu'on a bandé qu'on nommait Azalako opposante, tant qu'on a nommé qui est président du conseil d'administration Azalako opposante, à quoi comme opposant, tant qu'on a longolé la fonction. Tomonique Bitumba Tshisekedi, c'est que l'engagement dans l'opposition, n'a requête, n'a ni noana, est bandi alors qu'il y a ça qu'à PCA. Donc, il n'y a pas un lien de causalité entre poste et à Kolongola et poste et à PCA, n'a Bitumba Naye. J'ai donc une parenthèse. Oui, ouais, c'est ça. On a bien compris. Ouais. Ok. N'a une parenthèse. Wana. Donc, tu continues. On a un mois et à janvier. Un mois à février 1980. Etienne Tshisekedi Ngalulana Matanda va dénoncer dans le Parlement suppression et élection et ba membre et bureau politique. Tout le monde qui a une émission passée, bureau politique est le Sénat. Ba député donc, ba kubengango conseil législatif, ba commissaire du peuple, na ba commissaire politique. Ba commissaire du peuple basala qui est élu, ba commissaire politique peut na partir en 1977, ba comment qui est élu. Tout le monde qui a des exemples, Bomboko, na Lito basala qui est élu. Mais si qu'on a 80, Mobutu a décidé que désormais, tu as le commissaire politique aux élections et lutter, donc il y a abandonné Bamosiko. Donc, initiative à la paix, Tshisekedi a dénoncé. Donc, Mobutu a dit que l'Ali Alamouki, pouf, a changé ma camarade. L'Ali Alamouki a décidé que l'initiative parlementaire, il y a une fois que ça fait vert. L'Ali Alamouki a longé l'élection. Donc, noyau si quoi y a bas député contestataire on a bas zoom habitude y a bas na kokutana. Babani kokutana. Balongoli bangote. Balongoli bangote. Ça n'a pas le parlement. Bas comme si kokutana. Bas zoom kokutana harapi. Les chefs incontestés y a groupe on a net y a bas contestataire. Ezali Ngalula Pandangila. Pour ça vient à Bango. Vient à Bango voilà. Bas zoom sérénir et pas Ngalula Pandangila. Et puis bas considérer si quoi voici raisonnement à Bango. Bah considérer que un père est bandit qu'on s'éloigne et ça qu'on bunga zela un père est comme qu'on s'éloigne na manifeste de l'ancelé alors mais puisque tout au côté qui na quand un père pour na manifeste de l'ancelé mais ce que ce qu'on t'a dit ma cambo un père résout ça là na ma cambo projet de société na biso et car abandit qu'on côté donc biso il faut quand même hein, tout ça la nuance pour na un père ezonga na mulongo. Yango wana bakoya ko décider alobi ba massacre pe comme mingi ba violation des droits de l'homme ba arrestation arbitraire tout ça en violation ya projet de société na biso manifeste de l'ancien yango wana bakoya ko décider ba dénoncer ba mot ya régime ya Mobutu dans un document oyo balobi to comme la lettre to tinde la ye aye ba point de vue na biso ba député wana le 1er novembre 1980, Bako signé lettre moko ya 52 pages. Lettre ango ba bengi ango, la lettre ouverte au président de la République. 13 députés ba signé lettre wana. Lettre, lettre de 13 parlementaires. Voilà, la lettre de 13 parlementaires. Banani ba signé lettre wana. Pour nous rendre bango hommage, tokoye kotanga bango rapidement. Ngalula Pandangila, Etienne Tshisekedi, Makanda Mpinga, Kapita Shabangi, Kyungu wa Kumwanza. Moi, parenthèse sur Kyungu wa Kumwanza. Tout le monde qui Kyungu na belekisa 77 a échoué. Kyungu a échoué, mais si koyo na le 18 janvier 1980, papa yo Charles Mwando, aza député, yem ta gagné l'élection de Lubumbashi, Mobutu a nommé gouverneur de région, ya Kivu. Donc, Charles Mwando abimi parlement aké comme gouverneur suppléant naye aé kozwa place na ende Kyungu wa Kumwanza à côté na parlement. Kyungu à côté na parlement donc à partir de janvier février 1980 na no, le 1er novembre a signé lettre on a 13 parlementaires. Donc voilà comment Kyungu à côté ma solo. Na rokota na région de Kamba pour exactement. Et puis donc, Lumbu à Maloba. Dont on a commémoré les deux ans de la mort, Ezaraki, il y a deux jours, dans Lubumbashi. Ah, ok. Merci. Je me souviens que tu appelles Solonai. Lumbu Maloba, Proté, hier, Nakanisa Sakolanabiso, n'a salué et puis n'a rendu hommage. Ba information mingi, on a Sakoloba Awa. Il y a Azalaki avocat, Nakatia groupe Wana, et Azalaki n'a habitude à cause de la note. Donc, et ça, que Proté Lumbu a commis le livre Bélé, dans la période où le livre a servi pour préparer l'émission. Donc, ce que l'ingoi baba péripétie bas détail tanga bas livre ya lumbu maloba azali tilelon. Kana na tiongo lusangangele kasala kalamba biringanine mugaruka dia onken ambel ngoi mukendi e mbombo lona dia Charles dia autosito yambape na de mémoire à mémoire émission okay. Mémoire avec donc, Christian de Sapé. Voilà. Il est pas allé azali azali signataire donc voilà les 13 au bas signé sikoyo balobi lettre lokola to signé biso na cadre ka discipline à partie to senga audience c'est pas mon bout to ki ne coupe ça ngona mabo en main propre mais parenthèse le noyau des révolutionnaires ou des enfin voilà bah balinga qui est un peu changement et ça là qui composé de 5 personnes oui n'engini ne s'élargir d'à 13 et naib c'est que bah toi na basu habitude ya ko se réunir et pas ngalou la pananji là et il y a d'autres amis bah rejoindre bango ndé yango ba yo comme à 13 oui ndeko Thomas Luaka pena 4 justement il y a conflit à de Komobutu na Etienne Tshisekedi autant que Kombo Moko ya Nzondomio Nzondomio oui a Komaki quelque temps président de l'Assemblée nationale et Bongaki apparemment en réalité Etienne Tshisekedi ndezo poste wana mais ngo ça qui paye comme sa frustration paye colère ya Etienne Tshisekedi envers Mobutu parce que Tshisekedi a kanisa qui Bongaki ndezo place wana en termes surtout il y a la présidence na kati ya parti parce qu'on a un moment on a dit toujours la MPR non voici les problèmes Nzondomio azali premier vice-président ce qui président à Longwe hein to moni ngo boboli ko comme premier ministre c'est le premier vice-président Motamati hein papa Iléo donc hein papa Iléo et puis Nzondomio ya ko sa place donc Tshisekedi n'était même azali qui même na biroté azali membre à biroté bon peut-être na ko meka na tuna ba détail wana ndeko donc yango na sikoyo babandi ko faire signer ces lettre il y a demande d'audience hein 13 basi va signer basali lettre 52 pages mais babimisi on a noté non babimisi on a réservé primeur oui il faut tout payer ça yango hein ils ont la tête que non tu commences la makamu na mukongo na quoi il faut que nous payer ça yango lettre sikoyo il y a demande d'audience Kapita Shabangi abandi ko récolter ba signature a 8 ou 9 signatures boyé sikoyo le 30 décembre 1980 accueilli et pas ya ngalula pendant la pendant que ça le rapport et pas un du président abi président moni oh a combien pas ngalula boye atala ngalula vandi batubeli na kata lupango oh atuni mes président les communes abi non ndengo moni ngana za mukangemi oh uza mukangemi ndeni abi oto moni basabatu ya ya ba service service à sécurité à Mobutu atine bango ba okangai oh pona nina abi non fuite salamaki document abiso basi yango déjà fuite salamen de gnini lobby nango la veille donc le 29 ngalula pananjila ayamba ki député moko député na ye lobby non collègue na yo ki bozana initiative moko wa document moko ya ko signer zali ngape na ngena signer document wana ngalula bimisi exemplaire apesie le type siko lobby moni président ah na busa na ki ba lunettes nanga hein est-ce que nakweko ke notanga na ndaku na ya nango lobby comme ça nako signer kamba mo na nango ngalobi bo y a pas de problème 52 pages hein ok notanga na ndaku type wana abimi na copie wana akikopé ça et comme il est pas assez à l'époque c'était une chef de service renseignement voilà comment Mobutu a accès au document donc les 30 sikoyo ba service ba yokanga ngalola bizarrement Kapita Shabangi azala ki pe signataire mais ba dérangé été ba juka ba kangalula Kapita tango abimiana bi ah lokola ba kangivie momango siko ya ko publier lokango yango azui copie moko akimi mbangu na ambassade des États-Unis akio mona conseiller politique ya ambassade des États-Unis à l'époque il s'appelait Paul Tony après si albi voilà biso to lancer démarche moko hein pour na ko dénoncer biloko zuli kati na kati ya mboka na kati ya parti tous ces proposa qui token de couper sa mobi sur mon Mobutu mais voilà ba service nezu copie baye bakanginga lola donc il y a on a pas ici une copie à kepe na ambassade babenga kango non apostolique na nonciature ambassade ya Vatican à Kinshasa a pas ici copie à gen ambassade à Belgique a pas ici copie donc voilà comment document est tamboli le 31 na 7h du matin la voix de l'Amérique est Beleli, que voilà 13 parlementaires congolais, Zaïrois à l'époque, va dénoncer. Et bah critiquer le régime, excès, comme nous sommes avec ça, le régime, massacre et tout, dans une lettre ouverte, Tindé Mobutu, Mobutu en réaction, Akangi chef de Bango, Ngalula, Aza au Kangba. Donc, voix de l'Amérique est annoncée, Radio Moussou s'est relayé. On a les 31. Vers 10h30, quatre députés, Bakéi, Ngalula Zana, Bazali na cité de Loya. Quatre députés, Bazupe, Baké na cité de Loya. Balobi biso tué comme on a, collègue Nabiso Ngalula, Obokangia. Quatre parmi les 13. Parmi les 13. Bakomi kuna babi na biso tué comme on a, Ngalula. Abi na boko comme on a été, Azamu Kangemi, ordre ya président fondateur. Ordre ya président fondateur. Tshisekedi, Azu parole. Aebisi soda wana. Kende koye bisa, président fondateur na yo. Oh. Akanga pebiso. Akanga pebiso. Président fondateur Nayo. Akanga pebiso. Si pour la bino, on a quoi qu'on a minoté parce que vous avez une immunité. Abi mengalola no kangia sa na immunité. Discussion bandi. Kanga biso, na kanga binote. Kanga biso, na kanga bisote. Type verba 11h, type ango, sodango a décidé à kangi bango. Banane basala kiwana. Et chen Tshisekedi, wamulumba. Paul Kapita, Malanda, Nakanana. Voilà, Oyoba prisonnier volontaire, Bake Komikangisa, na cité de Loya. Bazi, Bakangi Bango. Une petite parenthèse, ça c'est vieux Kapita, Kapita qui me raconte ça, anecdote moko. Alors, vite, on commence à 12h30, 13h. Hein, Batia Bissona, ma résidence, c'est vieux, on a caché à Oya. Bato Mobutu, Bale Bissou, Biloko Akolia. Hein, on a scoba commis 5, on a vieux Galola. Ah, balobi non, tipo yo, certainement c'est empoisonné, ka biloko. Tout touché en côté. Habita on te vani pour tout la kachi, c'est que dit, wamulumba, abandoli abindeko. De toutes les façons, lion a vite au koufa gamba la mogoni. Ce qui est oboma, aboma kaga. Kapita lobi, tu sais que d'abandon lion a appétit et tindi biso pétoli a biloko en moi. Donc voilà, voilà comment va dire. Juste une déco, tout le monde l'ouaka, juste une petite précision qu'on rappelait Nabandeko était. À l'époque, Kotozaki n'a. Na wanezali guerre froide entre États-Unis, ex-URSS et c'est ainsi que États-Unis, les États-Unis d'Amérique, na ba allié na bango, ba bango kangamisu, na ba bunyo surtout, mobuto banai ko. Depuis 65, ba ande ko kangamisu. Oza na raison. Oui. Merci ndeko. Donc voilà, il a le soutien, il y a ba tunaye. Sikoyo après arrestation, il y a 5 signataires wana. Député Moko a se retrouvé na Lubumbashi. Signataire, kombo nae Kyungwa Kumwanza. Kumbi Kyungwa Kumwanza landi na radio ke ba collègue nae bakangi bango na Kinshasa. Kyungu ake pa gouverneur ya province ya Shaba. À l'époque kombo nae Mandungu Bulanyati. Alongoli Charles Mwando. Enfin Mwando aza isu su gouverneur ya Katanga te. Non, Mwando aza gouverneur ya Kivu. Ah Kivu, ah Kivu. Na Shaba Katanga Mandungu Bulanyati. Kyungu akia kumona gouverneur. Umonika gouverneur, umoni député aye, député national, ayambi ye. Ah, honorable, comment ça va? Bino, papa gouverneur, nga na ye wakaka, kosengo service moko, service ni, abi kangangai. Oh, na kangondengi ni. Abi no, parce que, na yoki ba kolego na sinyaki na bango document. Bankangi bango na Kinshasa, yangonga pe na ye, comme na zape signataire, apparemment, ezali infraction, yangonga pe na ye kangangai. Oh, Mandungu alobi me honorable na ukango ndenga na kokanga bino na ye awa kanganga ipapa soko kanginga tena kolala na lupango na yo donc Mandungu anashwate akangi Kyungu akumwanza lobi nango atie na avion Kyungu aena Kinshasa na aeroport anjili siko na aeroport anjili tangu Kyungu akitiboye il est surpris ya kumona muninga nemoko autorité ya autorité munene ya MP membre ya bureau politique camarade ya kala kibasa maliba akozele na aéroport ayé wana kibasa yambi ye akangimo oh. Mais kibasa comment yo membre ya bureau politique d'ailleurs membre ya comité central kibasa a de la sympathie na cause ba 13 wana et kibasa za na ba relation particulière na Kyungu. Juste quelques éléments kibasa na Kyungu batanga na école secondaire école ba moniteur batanga na katanga. Et puis na 65 ba décider ba se lancer na politique. Kibasa azali candidat provincial na élection to monaki ya 65 au chombo organisaki. Kibasa za député provincial directeur à campagne na ye Kiungu wa Kumwanza Gabriel. Donc Pirié. Kibasa a gagné comme député provincial. Tant que comme député provincial na gouvernement provincial. Kibasa ba cotisé comme ministre je crois ya jeunesse et sport. Azui Pirié a été dirkap. Kiungu na 65 za dirkap ya Kibasa. Donc voilà, c'est des relations de longue date. Kibasa yambi wana accompagné pe Kiungu de l'aéroport Njili tina cité de Loya Kiungu pe akia mipesi kuna bakangi. A se constitué prisonnier. Prisonnier. Et puis baye ba lokoti bango nyonso hein. Les 13 signataires wana bazui ba kangi bango. Tango ba kangi bango sikoyo qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ko sambisa bango. Batindi bango na non, déjà le 5 janvier. Bakangi ba Kibasa peut parmi non, Kibasa va kangiete. Kibasa ça c'est. Tu vas me kangis ici moi. À me kangis donc. À rejoindre les 5, bakomi 6. Bakomi 6. Non, bakke siko ko lokotawo ba misusu. Donc les 13 unions. Bango nyoso siko bakoki 13. Bakoki 13. D'accord. Merci. Tozongela dans quelques secondes. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange. Numéro 1 en couverture et qualité réseau. Troisième partie de Parlons Histoire consacrée à la vie d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba avec Thomas Loua Kalosendjola. Alors, Bakangi, finalement, les 13 parlementaires au Bassignaki, lettre ouverte au président Mobutu. Exactement, Bakangi Bango. Pour dénoncer dérive autoritaire, totalitaire, il y a régime naé. Exactement. Pour nous koloba nengenini. Makambozo Salama est comme qu'on s'éloignait la charte, il y a un père. Exactement. Le 5 janvier 1981, bureau politique, il y a comité central à un père. Va se réunir, va déchoir les 13 parlementaires, na mandat na bango ya ba député nationaux. Hein, va invalider bango. Balobi, basali sous ba député, Tshisekedi Mulumba y compris. Va memi 13 députés wana, va ke na bango, pour bazala juger na Cour suprême de justice. Cour suprême de justice, tant bako mina wango kuna, premier président à Cour suprême de justice, à l'époque, kombo na ye, Mutombo Kabelu. Mutombo, président Mutombo Kabelu, a ça un peu embarrassé. Pour nani ni, pour deux raisons. Yaliboso, pour na ye, il n'y a pas de doute. C'est un dossier politique. Cour suprême est bah jugé bah dossier politique t'es hein boyer linga bah tout pour bah signer une pétition mon coup boyer lettre ouverte tu vois c'est une affaire politique donc il est embarrassé et bien linga gosabi sa dossier politique t'es deuxième élément où ils ont quoi embarrassé y est na Etienne Tshisekedi wa Mulumba bah y est bah ni puisque bah tanga na collège à Kampondé Saint Jean Berkmans y a Kampondé bah tanga na Tshisekedi donc il est très proche de Tshisekedi donc a manifesté quand même embarras na y ok Mobutu à comprendre, ba longoli dossier na Cour suprême de justice, ba kenango na Cour de sûreté de l'État. Pour ba sambi sabango kuna. Équivalent nango le lezanin. Cour de sûreté de l'État. Ekufa. Ah, okay. C'était des juridictions assez spéciales. Okay. Ba kenabango kuna, mais avant ba bando sambi sabango na Cour de sûreté de l'État, Mobutu akoya ko sala marche arrière, a laissé à tiki ba poursuite judiciaire contre ba 13. Pour nanine. Parce que le 20 janvier 1981, changement monnaie salamé aux États-Unis, le 20 janvier, un nouveau président américain a aussi prêté serment comme on a eu Ronald Reagan. Reagan a comme président des États-Unis. Bah, camarade, y a Mobutu, y a américain. Bah, bengé, walobi, ndeko, ça l'attention à Kobo, yoana. Hein, à quoi qu'on change le haut face, donc, moi, et kenge, mikolo, oyo, quoi. Parce que Joana, toko contrôlé, bien t'es. Il y a une question parce que Mobutu depuis les débuts tomoni azo boma batu tomoni azo kangisa batu ya azo limbisate mais 13 parlementaires batelemi basali mukanda ya monene bongo est-ce que bazalaki soutenu te na libanda ya mboka est-ce que il y a pas une main noire extérieure mboka et soutena ki bango non il y avait pas il y avait de la sympathie mais zate ke batu ba kotinda bango na libanda là il faut en tout cas je n'ai pas d'information dans ce sens d'autant plus que tant otozolo ba ke Reagan a commis président de la République Mobutu a toujours na ba puis na États-Unis Pourquoi? Parce que le vice-président des États-Unis, oya komisi ko vice-président ya Ronald Reagan, c'est un ami de longue date ya Mobutu, ancien directeur ya CIA, service de renseignement américain, kombo na ye George Bush. Bush père. Bush père a comme vice-président de la République. Donc, hein, au moins, quand même, que Mobutu a ça soutien. Mais bah, il sait quand même que non, na Reagan, hein, ça là quand même attention. Voilà comment Mobutu, à Kotika, bah, poursuite judiciaire contre les 13, et puis, bah, Mimi Bango Siko Nanini, na commission de discipline, il y a comité central du MPR. Et comme il y a un problème politique, hein, bah, j'ai rien à dire à partir. Bango défend la commission de discipline. Commission de discipline, on a écouté deux décisions. Première décision, commission de discipline, il y a comité central, est décidé le 22 janvier 1981 qu'on confirmait déchéance et mandat à Bango comme député. Donc, Balobi Boza, il y a son Boza. Bozali invalidé, tu as confirmé Ango. Deuxième décision, il y a commission de discipline. Ba relégué ba 13 wana nyonso na ba province d'origine na bango na ba chef lieu ya ba province d'origine na bango. Voilà comment les 13 parlementaires bakozala relégué Etienne Tshisekedi, puisqu'on parle de lui, azali relégué na Mbujimayi, Kyungwa Kumwanza batindie na Lubumbashi, et komi mukolo wana neti sortie officielle ya Kyungwa Kumwanza. Tango akomi na Lubumbashi, impact Kyungwa sali, population yeko yamba Kyungu, abimi lokola hero mutu a défié Mobutu kwa, Mobutu sali eloko te, donc Kyungwa yona succès ko sakanate na Lubumbashi, Tshisekedi succès na Mbujimayi, capitaine Shabangi. Na kabe ya Kamwanga kote. Non, Lubumbashi, na Mbujimayi, chef lieu de province. Batini bangwana Kapita Shabangi, impact na Lulwabur. Mobutu tango yako mwona popularite wana. Par exemple, Kyungu, epana ye, batu bazo yako leki sa journe li boso alupango ya Kyungu. Bane loko wako salate ya, donk ba ye kaka bafandi wana, batalaka ya Kyungu etu. Mobutu, ayeko konsidere ke sa defiye un problem, ayeko deside. Ba longo la bango na ba chef lieu, ya ba province na bango, batinda bango, na ba territoire na bango. Kyungu akolongwa Lubumbashi akei na Kalemi, Lumbu Prote ake na Kongolo, Kapita Shabangi ake na Chikapa. En ce qui concerne les originaires ya Mbujima ya Kasai Oriental, donc Ngalula Tshisekedi bango bakozwa bango batindi bango na province orientale, na prison na province orientale. Bona nini, pourquoi il avait cette fixation sur les députés Louba? Parce qu'il considérait que c'était les noyaux durs. Les noyaux durs à mouvement. Donc, bah, Missous va reléguer bah, on a bah, territoire d'origine, bah, mais hein. Tshisekedi Ngalula, Batini, bah, on a na prison. Na prison, na province orientale. Na province orientale. Bah, qu'est-ce que yo, bah, vandi kuna, tant que bah, vandi kuna, na mois de décembre 1981, donc, na loba, après une année, il y a relégation. À peu près. Après une année à relégation, na mois de décembre, na ba festivité à fin d'année, Mobutu akoyako décidé à amnistier, ba relégué, ba zonga na Kinshasa, ba yako fêter bonne année na ba famille na bango. Il faut rappeler que relégation en eza ba zonga si bino mboka, avec interdiction que bo zonga Kinshasa. Exactement. Yango wana na décembre wana ba relégué, ba zui, ba zongi à wana Kinshasa. Qu'en est-il de la situation en famille? Tant on ba relégué, ba zongi, c'est ba mboka. Etienne Tshisekedi, azali déjà na bana. Oui. Azali déjà na bana. Non, bana tout ba sali abandonné. Akeye moko. Akeye moko. Mais si koyo tango ba zongi na Kinshasa awa, l'un des 13, kombo na ye, honorable Mbombo Léonard, akoya kokuta na ba ninga na ya lobindeko, nga makambo yo, et ça ne m'intéresse plus. Moi, na mai Atiki Bitumba. Voilà comment Mbombo Léonard a bimi Atiki Bitumba na Batikali 12. Si quand on Batikali 12, entre autres Mobutu amona ki sympathie ki basa manifesta ki vis-à-vis à Batouana ki basa pe ale ki si une année na résidence surveillée na Kinshasa tango pesiko 12 wana bazongi ki basa eko rejoindre bango groupe zongi na 13 ki basa akomi porte-parole ya ba 13 wana député provincial ouais, yaza député provincial non qui basa azali membre ya bureau politique. Il y a un sénateur, il y a un père. Ah d'accord. Eh ba yeko pesa justement pour nani na yeko zo préséance wana porte-parole na bango justement parce que na organisation a un père qui basa et préséant. Membre ya bureau politique ba auto mona ki bango bazali membre ya assemblée nationale. Donc ya zali ki sénateur bango bazaba simple député qui basa ba yeko tiaye porte-parole il y a mouvement na bango. Donc c'est comme ça que Frédéric Kibasa Maliba a rejoint voilà les, voilà comment Kibasa les 12 pour faire 13. Bazongi na nombre ya 13. Sikoyo tang bakoti wana ba discussion et bandi entre le pouvoir na bango ba pour parler. Quelle est l'idée ya ba 13? En fait, les discussions se font entre les 13 Naba au baza ko représenter intérêt à un père tozali na le président o baza ko solana bango le chef à délégation ya un père ezali honorable Vundwawe Tepe Mako à l'époque vice-premier ministre chargé des questions politiques et administratives yenda za ko défendre un père de l'autre côté qui basa porte-parole na 13 wana dialogue des sourds s'installer ponane. Voici idée ya ba 13. Les 13 bazali na posa ya kolongwa na imperte. 13 wana bazali na posa ba corriger un père de l'intérieur. À la limite alobi parce que un père eza ko bunga. Tozonga na orthodoxie. To ya ki tsa ki un père pona ko servir population. To cela ki imperte pour to dembe la kamutu, to bine la kamutu, to cela ki imperte pona ko kanga ba arrestation arbitraire, yo moko mona ki ke chef à la mouki a changé idée, ma kambo pe changé. Alors bino, il faut qu'on arrête ça. Donc voilà idée à banine. Ba ça même pri ya ko créer na kati ya un père un deuxième courant, hein, courant démocratique na kati ya un père. Vundwawe assisté de Honoré Ngbanda. Bango balobi non, il faut bo se soumettre na discipline ya parti. Donc voilà comment dialogue des sourds est s'installer entre les deux groupes, ce qui va entraîner que les 13 ba komi ko se réunir soit pa ya Kibasa soit pa ya Ngalula. Mais mukolo moko bazali réuni ba se réunir et pa itourane za la ki pa ya Kibasa Maliba. Nani le 15 janvier na résidence ya Kibasa 1982 na résidence ya Kibasa Ngalula akozwa parole. Alobi bandeko au moins le fait que tozaka kaba membre ya un père tokozala toujours soumis na discipline ya parti. On ne peut pas évoluer moindre initiative tokozwa bako kanga biso bako neutraliser biso sous na kombo ya discipline ya parti. Ngana moni pote s'épanouir malum Ngalula ki parle. Tosa la partie nabiso. Tosa la partie nabiso, to tiki la bango impère. Sinon te ba vundwa wana ba continue ka kokonza biso. Vundwa we bombo ko ngwanda, ba wanda ka ko soumettre biso na discipline na partie. Donc to tiki la bango loko na bango, tosa la biso. Ide wana uti pa yangalo la panajila, les autres ba beti maboko. Ba beti maboko. Tango ba beti maboko, alubi, ah non, ozana raison, tosa la kaye loko na biso. Ba decide ko saye loko na bango, ba bandiko siko ko luka kombo. Kombo parti ango toko benga monini. Député moko a proposé Parti Socialiste. Parti Mutumso sa su parole ba idée bimika kanenga. Ngalula Pandangila va prendre la parole à quoi ko proposer Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS en sigle bande konyoso bazu bandimi. Voilà comment le 15 janvier 1982 l'UDPS est créé parti à opposition. IDPC Salami. Mais si quoi il va décider, ba lobi lokola tozana na ba pour parler na un père. Tobi ma de mauvaise foi te. Parti na biso to sali to bombango na nous, to continuer na masolo na bango, to kotala à quel moment opportun to ko rendre parti wana public. Voilà comment et na kanisi to ko sukawana le 15 janvier 1982 un nouveau parti politique est créé na kombo ya Union pour la démocratie et le progrès social. Wana nangonga wana mobeko moko te amboka et autorisé multipartisme ma parti ebele. Non, parti unique donc, une infraction, c'est une infraction. Merci mingi Thomas Lua Kalo Senjola Tosuki awa pona chapitre oyo. To pona point oyo na dossier monene tali bomo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba kasi Tosuki awa te pona émission parce que tout à l'heure to après flash d'information basango na beaucoup c'est na lokota ya Lingala to kopesa bino maloba sikawa botuna mituna hein to bo réagir par rapport ya Lisolo Tshisekedi l'opposant oyo ki uto ndenge babandi maleme maleme ti vraiment rupture de ban salami na MPR et sikawa na poso ekoya tokota sikawa na komba ya UDPS tiki no kondo Etienne Tshisekedi ayeko tika biso merci na bino bozola na biso botika na biso dans à peu près 5 minutes rozonga na bino pona rozomi tuna pe ba réaction na bino par rapport ya émission ya mokolele consacré une nouvelle fois à la vie d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo chapitre misa totoloba tolobela ki Tshisekedi ninga botami ninga évolué atangi ba kelasi naye na ndenge ya koti politique ya mibale to uti ko tolobela ki na poso eleki Etienne Tshisekedi ndenge azai ko sa na mobutu donc Tshisekedi le mobutiste et lelo tozoloba Etienne Tshisekedi ndenge ya bandi opposition ndenge ya kabwani na président Mobutu invité na biso ezali kaka Thomas Lua Kalo Senjola de ko Marcel Yamboteto zwa ba appel na ba message ba auditeur ba ndeko YouTube bazo se plaindre ba tay belé mais totanga ba message na bango te on va les lire de ko Thomas Lua ka quelques compléments d'information. Oui, il y a liboso na utiko sola sikoyo na tosuka ki na création UDPS. Création UDPS. Justement à ces propos, na utiko solo la na honorable na monsieur Bruno Tshibala, ancien premier ministre et très proche collaborateur ya Etienne Tshisekedi, camarade ya Etienne Tshisekedi et na Kapita Shabangi, l'un des 13 parlementaires, bango mibale ba confirmé ngai que kombo ya UDPS ndenge na uti kolobeza ki ngalula abiza ki ngalula te muta trouver ki kombo za ki Anaclet Makanda. C'est Anaclet Makanda qui a trouvé le nom parce que yenda za ki idéologue ya parti. D'accord. Donc deuxième élément na nga na tanga ba ba fondateur au bazala ki mukolowana na réunion na tangu UDPS salami ezali Kibasa Maliba Ngalula Pandangila Kyungu wa Kumwanza Tshisekedi wa Mulumba Lusanga Ngiele Makanda Mpinga Kapita Shabangi Kanana Chilombo Lumbu Maloba Diaonke Nambel Ngoi Mukendi Kasala Kalamba e Biringamine Mugaruka eloko ya misatu ba décidé ba pesa présidence ya parti na bango na Kibasa Maliba pona nini Kibasa zalaki déjà porte-parole na bango yami balé Kibasa comme président et kolongola couleur wana ke za faire ya baluba Kibasa za katangé et puis troisième raison et ko pesa présidence na Kibasa et permettre bango ba régler moi conflit latent et zalaki entre Ngalula na Tshisekedi hein ba bande ko ndimana te wazo mona da danger wa za danger donc balobi ba pesa Kibasa et puis eloko ya suka na lobaki awa ke UDPS et salami le 15 janvier 1982 mais bakoya ko 15 février. Non, 15 janvier. 15 janvier 1982 de Bazuboul ndeba décidé ba créer bakoya ko annoncer ngoyo comme date officielle tilelo ya création UDPS un mois plus tard le 15 février 1982 parce que justement il y a eu un débat na moni na ba commentaire na YouTube ils ara janvier te ara février ça janvier ba ko rendre ngo public le 15 février donc la date officielle de la création UDPS c'est le 15 février 1982 d'accord et puis peut-être élément à souka les 13 fondateurs UDPS ba ko décider ko coopter quelques bateaux bazaki ko accompagner bango na bitumba wana entre autres professeur Liaou professeur Dikonda Walumanisha Mbwankiem na Kakule Kengele voilà parce que ndeko na biso mora tuni na message ndeko Désiré Bonina lobby mais dans tout cela où était le professeur Liaou voilà il est parmi les premiers cooptés comme membre fondateur d'accord merci beaucoup ndeko Marcel tous on appelle là-bas 085 00 44 40 089 44 44 417 Toko Kenanzana Singa allô bonjour Mote mingi nde koma faire pena nde ko Thierry et puis na papa Thomas Lowaka. Merci Mbote. Ouais, c'est pour dire que les nationalistes. Bon, on a papa Thomas Ezali qui basa au bazo lobela Ezali qui basa ya moi na ya le lot Ezali qui basa ya papa. Ya papa. Merci beaucoup. Merci. Tozi mulandi mususu nzana singa. Allô? Skype na biso Top Congo FM. Allô, bonjour. Un message botin d'appel en même temps. Oui, oui. Bonjour. Oui, Ezali sinier na yolo. Oui, toza kolanda ondeko. Oui, nanga la kuna, c'est son vivant dans temps ya Mobutu, Tshisekedi opposa na Etienne na Mobutu. Mobutu akangisa combien de fois? Akotina akasho combien de fois? Et puis nande to bare Mobutu a beta ye tatouage mort ya kombo ya M. Exact na ba moment. Merci mille. Merci Penayonde. Kuba message SMS na 089 44 44 470. Dans une déco, Skype na biso Top Congo FM. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Trésor, on a bien parti à Mirek, on a bien simbolisé en boulidur, on a bien simbolisé en boulidur. On a une question morte, parce que les gens ont la phrase mort à nous, et ils ont dit que non, ils ont dit que tu sais qu'il y a qui, avec opposant, il y a Moui, et il y a Boutou à nous, il y a un Moboutou. Mais là, est-ce que affinité ou un n'est-ce camarade à Moboutou? Et joueur qui n'a n'y a qu'on opposante parce que et à chaque fois ce que va nous faire ma camoumé bout de banni vous a un peu tolérant et est-ce que n'est pas qui a mis et banni qui moi vous jouez la part n'a été parce que avant de qui vous avez bébé et à zaki arrêté et bien à zaki souhaité il y a une question. Merci beaucoup Ndeko. Trésor Outa États-Unis d'Amérique 085-0-00-44-40. Tozu, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, Top Congo. Bonjour, maman. Oui, c'est maman Rose Katinga. Oui. Oui, na lingina tuna papa historien na biso boye pona likambo oyo bolobeli troisième fois yango yo pona marginalisation ya Mouluba. Nini Mouluba appelé congrètement pour que Babo Yaye retourne dans la institution et puis dans l'administration. Na yoko ka bisolo wana nini ke bazo rejeté bango balingo pesa bango ba place te. Nini congrètement l'histoire est là qui se dit nini pona likambwana. Que ba oyo ba zengi na bamboka na bango me ba oni ba le ba kizi bango na prison ni mesali concretement que bazala marginalisé modèle wana. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas s'il faut généraliser parce que le tozolo bela kaya ngalula na Tshisekedi et inviter na biso à répondre na question wana pour na tuna ki yango lobi za parce que bango bazali ba noyau. Bango net ba cerveau moteur ya révolution yangwana ba misusu ba relégué bango na ba territoire na bango et bango batindi bango na prison na province orientale donc de là généraliser pendant loba muluba mais peut-être ceux qui t'ont comprendre à maman et expression étant bolara muluba rozora bokonzi na boko yote peut-être c'était ça l'idée. Oh maman nga ki ya bimisana. Est-ce que na moment on a déjà makambo voilà qui à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. Voilà. 089 44 44 471 Tozui ndeko musu nzana singalo. Allô, bonjour papa Marcel, papa Thierry, na papa Thomas Loaka. Bonjour. Na papa Thomas merci pour na juste sur la fondation UDPS. Elle va mutila la ngai ni ko etele mesi kawana. Na lina kutuna hapo na bakombo sike, bakombo msusu kivonoko yoka. Par exemple, papa Birindwa, o msusu yoka ka papa Corneille Mulumba, ba msusu yoka ka ibele bele wana. Ya wana lina kamen, soki ose sabiso un peu plus sur la fondation men, ba fondateur vima ya kayi de presse. Voilà question na ma. Voilà, na ebite soki, tosto répondre na yango, parce qu'on a lu les noms des fondateurs, toti kotanga yango tout à l'heure. Mais il y a des cooptés aussi, hein. Oui. Donc la cooptation a continué entre autres Babirine, Ndamba Mulumba, Bazaki peut coopter. Ah, on a la deuxième vague de cooptation. Totangi Kombo ya les fondateurs. Totangi Kombo les premiers cooptés. Bao ba coopta kimba yambo et bao yo tangi za ba bao ba coopté pour la Miami Bali. 085 000 44 40. Ndeko mususu Skype Top Congo FM, ba message SMS. Totanga ngo kala mingi ti allô. Allô, bonjour. Bonjour. C'est l'étudiant Kadima depuis l'université philippine. Oui. Oui, la question que je voulais demander à Papa Thomas, est-ce qu'il peut nous dire combien de temps les 13 parlementaires qui s'étaient présentés à l'OIA, combien ils étaient arrêtés. Ils étaient arrêtés pour combien de jours avant qu'on les transfère dans leur province natale? C'était à peu près combien de jours? Ah, alors, ok. Bakani Baron na parlé de la nation. Mikolo Boni, avant de décider que Tiabangona nous collecte la commission disciplinaire et puis qu'on s'en bat. Non, je crois que quelques semaines. Hein? D'accord. Tous une des consous sont dans la Singa. Allô? 089 44 44 471. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et bonjour, Ndeko Thierry. Bonjour, Ndeko Motuna Naomini, s'il vous plaît. Merci pour la proposition. Deuxième proposition. Voilà. Deuxième fois, tu as proposé en haut. Tu as noté. Voilà. La bande a été reçu quelques appels. Allô? Allô? Bonjour, papa Thierry. Bonjour. Bonjour, M. Thomas Louaba. Bonjour, Ndeko. Merci beaucoup. Oui, bonjour chéri, bonjour Marcel, bonjour Thomas. Bonjour. Une question. Dans le lobby, normalement, il dépend de collège. Il y a un collège de député, il y a un fondateur. Mais comment il dépend, c'est comment tu sais que tu es. Il y a un bon lobby, il y a un gang qui est 4x4, mais il y a un bon lobby. Normalement, il y a un collège. Mais comment est-ce que il dépend, il y a un petit secret. Voilà. Incontestable. Mais quand on va eu des personnes, oh, sous ces bimim vraiment mingité, caracala mingité. Il y a eu des départs. Il y a eu des départs. Tout comment on a un conflit interne et comment les autres sont partis. Donc ni Tshisekedi a récupéré. Il y a des personnes qui basent les quand même yakala. Oui, depuis les personnes qui basent les yakala. Oui, bon, enfin, mingé bimim pelé. Oui, oui, bimim. Il y a des personnes qui basent les yakala. Voilà, Tokomina Souka, je pense que il y a quelques questions ou tu as noté. Non, la monite. Ouais, ouais. Tu as 2 minutes. Date nombre d'arrestations dans la réponse T. Ouais. Opposant à moi, il y a beaucoup. Mon but était tolérant. Ok, nous ça une année en prison na Kisangani. Je ne sais pas si c'est de la tolérance. Hein. Maman Rose Kapinga. Bon, non, il n'y a pas de question. C'est une légende, hein, Likambuya. Oui. Tu sais qu'il est opposé à Boutou. Il y a moi, mais à Boutou, nanani. Bon, biso pétan, tozo kola, tozo yo kango kaka. Tout à fait. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? C'est, il y a, sur le tout à l'Okuta, Nazan a ba élémenté. J'ai des informations dans tous les sens. Voilà. Tu as 2 minutes. Tozo a 1 minute. Tozo a auditeur Yasuka. Ton message? Ton message, il n'y a pas? Il y en a, si, il y en a. On prend un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour papa Thierry, bonjour papa Marcel, bonjour papa Thomas Loak. Bonjour. Et ça, Maline Namombele. Oui. Est-ce que États-Unis, si les lois dans la canne dictent la politique, pour ce que nous avons une histoire à Kabila, papa Thomas Lobagi ki États-Unis na soukande si ko soutenir Mobutu te. Yango asengaki na Uganda na Rwanda ba soutenir Mouze. Bali ko lancer momo balobaki photo bengana le plus vieux dictateur d'Afrique. Bombo na Mobutu fakete. Alors nini États-Unis tout occidental bazala toujours na dictat na politique na biso. Est-ce que tu es isakaka to esukaka kaka na époque ya Bon, ça n'a aucun lien à sujet, mon collègue Lelo. Un déco. On est en lien avec le sujet Lelo. Toujours la vie à Étienne Tshisekedi et de l'obéliti qui n'ont pas créé UDPS. Donc, comme il y a Souka et Étienne, la prochaine fois, tu auras l'obélasco combat à UDPS, n'est-ce pas? Exactement. De la clandestinité à la reconnaissance officielle. Voilà. Merci Mingi Nayo Thomas Louaka Losenjola. Merci na Marcel Kitamba la compagnie Kingai. Merci Alain Bungu, Grace Lema, Patrick Mungongo, et Dani Zayobi de retour des vacances. Merci Nabino Banso Bolandi Biso. Émission Nabiso, chapitre Nyoso ya Kondo Etienne Tshisekedi de Bozotala Mingi d'ailleurs. Ils sont disponibles na YouTube, Nabiso, na Facebook, Nabiso, tu retiens un peu na Twitter, kala Mingi te. Donc, beaucoup eko tala yango, pour Nabino pe batu bourate, peut-être moi ba séquence, beaucoup eko zongé la yango li sousou, mais biso to koutani na cadre ya Parlons Histoire. Au Bolingue Kabwana, parlons-en. Tokuta nana mardi prochain, kasi lobby. Toko, ça la émission, Moussous, lobby rosa spécial, 40 ans de carrière de Redi Amissi. Il sera avec nous. D'ailleurs, Nero Thomas, l'oua capable de jouer rôle, moko, monen, et na 40 ans, il y a carrière musicale, il y a artiste Redi Amissi. Ça sera demain spécial, parlons-en avec Redi Amissi. À demain. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G+ d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau.